Bonne fin de nuit, Groove Dance, Fun Fun Radio avec Rousseau jusqu'à 6h du mat et nous on se retrouve demain à 21h. Ciao, bonne bourre à tous. Je commence. T'as vu le bordel joli, donc. Donc on va enregistrer cette réunion. Hein? Ouais, bah, il vaut mieux. Non, mais je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Je vous explique. Donc, si Gérard, on a voulu que Gérard vienne. Enfin, Gérard a voulu faire cette réunion. Pour toi, Fildar. Pour toi, Manu. Pour toi, Olivier. On va enregistrer cette réunion. Qui servira de preuve. Arrête de te marrer. Je me marre pas, mais. Je me marre pas, toi, parce que c'est pas le moment. Toi, Attends, je vais juste vous expliquer avant, pour pas qu'il y ait de problème, que ça servira de preuve. Je les enregistre là ? Ouais, c'est bon. Qui servira de preuve au cas où ce qui va être dit ce soir par Gérard n'est pas respecté pour le débat d'après, qui est un débat délicat sur les routiers et la Sibérie. Vous savez, ça lui tient à cœur et que c'est un débat qui risque d'être délicat, parce qu'on va parler des 35 heures, du chômage et du fait du foutage de gueule des routiers. Ouais. Donc j'enregistre. Si, par rapport à tout ce qui va être dit, vous ne suivez pas les instructions de Gérard pour le prochain débat, eh bien ça nous servira de preuve pour... Ah voilà, ça nous servira de preuve. Ça servira que, après on sera forcé d'arrêter si c'est ça. Hein. Parce que s'ils veulent pas faire ce qu'on dit dès le départ dans ces cas-là, ça servira plus à rien qu'on s'amuse à faire des débats. Parce que si c'est pour les saccager comme que ça a été saccagé là jeudi, c'est pas la peine. Moi je te le dis, je te le dis d'entrée déjà pour commencer. Si je vois qu'aux 5 premières questions ça commence à être le bordel, tu peux être sûr que là, je t'appelle tout de suite et ça sera terminé. Non, mais moi, on laissera à 5 questions le débat des routiers. Ça sera peut-être malheureux pour tout le monde. Ça sera malheureux pour toi parce que déjà, ça sera sûr que ça pour l'audience. Ça prend de l'audience en moins. Mais moi, je te dis tout de suite d'entrée que si les 5 premières questions merdent, tu peux être sûr que c'est même plus la peine de continuer le débat derrière. Alors, de quoi tu... Oui. Déjà, quand je demande que tu vires les gens, je t'ai prié de le faire, sinon de les repasser sous un autre nom. Mm-hmm. Hein? C'est vrai, c'est une honte. Hein. Ça, c'est déjà une chose. Toi, Fildar, c'est pareil, quand t'es à l'AREA, c'est pas la peine de t'amuser avec les inserts à me faire une double voix. Par contre, à notre décharge, si on fait pas ça, c'est vrai qu'on se fait chier grave quand même. Quand il y a les 24 lignes qui sonnent, faut prendre des auditeurs qui veulent parler du sujet. De manière, le sujet, c'est simple, il va être traité. Et ça, Max, il va l'annoncer, ça va être traité par le 01 40 521 521. Comme ça, j'aurai pas de problème. T'as écouté tout à l'heure, on a mis Bernard Ménez, jolie poupée, qu'est-ce qui t'est arrivé à tes doigts, là? Ça, ce qui m'est arrivé, c'est notamment sur Olivier. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Qu'est-ce qui t'est arrivé à tes doigts? Ouais. Ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis cassé carrément tout ce système-là. Le fémur? Non, ici. Où ça, sur le côté, l'omoplate du doigt? La malléole, jusque-là. L'omoplate du doigt, carrément. J'en ai pour grosso modo là, j'en ai pour 15 jours parce que avant de revoir le chirurgien, normalement j'en ai pour facilement 2 mois. Ils t'ont anesthésié ou pas? Ils t'ont euthanasié ou pas? Non, ils ont voulu mettre une athlète, ça a pas tenu, et là ils ont mis un petit plat pour que ça tienne, mais normalement je devrais le mettre en écharpe. Mais... D'accord. Évidemment, mais mettre un écharpe du doigt autour de ton cou, ça va pas être simple. Mais pour revenir à la réunion sérieusement, donc t'es qu'est-ce qui t'a pas, enfin je sais pas si tu fais ça. Ce qui m'a pas plu déjà, c'est que pour commencer, j'ai un truc à te dire. Il y aura peut-être pas de débat. Tu me coupes pas la parole. Il y a un débat qui est prévu. De toute manière, c'est convenu avec et Max. Si tu veux pas écrire. C'est convenu avec Max qui faisait les questions. Donc il y a le débat en lieu quand même. C'est Sandy qui écrit. Non, toi tu fais aucune question. Tu t'occuperas de ton bordel de l'autre côté. Mais alors on travaille comment? Parce que alors. Manus, il reste au standard comme prévu. Il fera une partie du débat parce que je pense qu'on va aller jusqu'à 2h, donc on va essayer d'approfondir. Moi j'ai peut-être un rancard après moi, attends. Non, bah, je ne sais pas, à toi, Manu, de décider. À ce moment-là, tu ne fais pas les débats ou tu ne fais rien. Non, mais bon, j'ai des entretiens, tout ça, tu vois. Et là, dans ce cas-là, tu ne fais rien. Bah ouais, Job, non, mais attends, mais dans ce cas-là, si tu ne veux pas ça dépend si c'est intéressant. Tu viens jusqu'à minuit, et puis après minuit, tu te casses, et puis c'est tout. On n'aura plus besoin de toi. Si c'est intéressant, je reste. Si ça me fait chier, je me casse. C'est le dernier jeudi de mars, c'est ça? C'est-à-dire le jeudi 30. Je ne serai pas là, j'ai bowling. Ouais, bah, tu n'auras pas bowling, tu feras le bowling au standard. Avec Noémie. Non, je peux pas. Ça, oui, c'est sûr. Je fais la réa, c'est pas grave. Non, ouais, voilà. non, toi, je te vois plus dans les studios. Non, parce que le problème, c'est qu'on a baissé dans l'audience et que le débat a été une catastrophe, parce qu'on sait qu'on a fait. C'est vrai, c'était mal préparé. Non, c'était pas mal préparé. Déjà, une pour commencer, c'est vous qui avez foutu votre merde. Ah. Hein. Déjà, en plus, c'est, je sais pas, moi, j'avais déjà écouté un peu avant de venir. Déjà, il y avait un problème de micro parce que par un moment donné, ça déconnait. C'est vrai. Et toi, pendant l'émission, c'est bien, tu me mets des piles de tous les côtés. Alors, c'était la catastrophe complète derrière aussi. Ça, je ferais bien. Alors, t'as pas été capable de faire ton boulot avant. Donc, il faudrait peut-être que tu voyes déjà avant pour commencer si les micros marchent. Mais j'ai pas le temps avant, attends. Ouais, bah, tu te démerdes. De toute façon, moi, j'ai pas pu faire un bon débat jeudi parce que Sandy, elle me chauffait quand elle passait dans le couloir. Ouais, c'est ça. Sandy, elle était pas là. Alors, mettez pas ça sur le dos à Sandy parce que Sandy a commencé à avoir ras-le-bol que vous l'insultez de grosse. C'est pas nous, on a rien dit. Non, à peine. Attends, moi, je lui ai dit quand elle est arrivée, je lui ai dit, t'es magnifique, t'as perdu du poids, t'es belle. C'est vrai. Elle a même dit, t'as perdu du poids. Ouais, mais toi, quand on te demande quelque chose, t'es prié de respecter quand même les amis des autres. Parce que c'est pas parce que t'en as pas que tu vas t'en laisser apercier les autres. Hein? De la respecter. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas ta copine, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu dis, ouais, elle est partie avec des copains et tout ça, elle est partie, on en a rien à foutre. Ça, je vais te dire une chose, tu resteras poli avec elle. Ah bon? Ça, c'est un conseil que je te donne. Parce que ça peut être déjà plusieurs fois que je te l'ai dit. Elle était où? Et là, ça commence à bien faire. Elle était partie, non? Ouais, mais elle était pas partie où tu disais. Mais quand Sandy était venue t'accompagner pour les débats jeudi dernier, on l'a cherchée en fin de débat, on a dit qu'elle était pas dans les locaux, tu nous as pas cru, elle était vraiment sortie. On a cru qu'elle était rentrée chez toi, mais elle était où? Elle était dans le 15e. Quoi foutre? Dans l'aquarium. Voir son amant, non? L'aquarium. Elle était dans le 15e, c'est tout. On peut le dire, parce que c'est entre nous en privé. Mais Gérard, quand je t'ai raccompagné, t'as cru même que c'était Henri qui était venu la chercher. Mais en fin de compte, elle est partie d'ici au lieu de prendre de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il y a Henri qui rôde encore entre ta meuf. Non, mais Henri, il est résident à l'aquarium. Mais ouais. C'est une boîte dans le 15e. C'est une boîte dans le 15e. Et Sandy, si elle est allée dans le 15e, c'est pas pour Henri. Non, mais de toute manière, au lieu de repartir, comme je lui ai dit par téléphone, parce qu'une fois que tu m'avais raccompagné, elle m'a appelé, moi. Comme tu m'avais demandé si le portable était allumé, donc je t'ai dit ouais. Et donc, elle m'a appelé à 3h30 en me disant qu'elle était dans le 15e. Et en fin de compte, elle est rentrée, il était 7h du mat. Carrément. Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Elle était se balader. Pour aller jusqu'au pont de l'Alma, attends. Attends, dans le 15e, tu sais où c'est? Bah oui. Ouais. Si pour toi, pour aller pont de l'Alma, c'est dans le 15e, tu te trompes, mon pote. Mais non, mais je veux dire, pour entrer chez loin, quoi. Bah oui, c'est ça. T'as raison. Continue, tu m'intéresses. Je crois que le 29, tu as morflé toi aussi. Je suis pas là. Ouais, ben, tu vas voir si tu vas pas être là. De manière, si tu vas pas être là, tu te dis d'entrer. Dans ce cas-là, on prévoit quelqu'un d'autre à t'attendre. Non, mais bon, c'est quand même problématique que ta meuf se barre sans toi et rentre à 7h du matin. Tu sais même pas ce qu'elle a fait. Ça, déjà, faut dire une chose, que vous l'avez quand même assez emmerdé en la traitant de grosse. Même si je vous dis, Non. Par un moment donné, c'est vrai que Manu et Pildar, vous mâchiez pas vos mots, hein. D'accord. Quand? Jeudi là? Ouais, lors des débats. T'es cinglé, toi? Oui, non, mais attends. Si elle me l'a dit, c'est que, Je veux faire un café sans sucre. Donc, hein? Si j'avais pas offert un café sans sucre, je l'aurais traité de gros, tu vois. Tu lui as offert un café à 2 francs, toi. T'as été bien. D'accord. Non, tu lui as donné que 2 francs. Ouais, j'ai avec ça. En plus, lui, il dit, tiens, tu vas boire un café. Donc, bon, enfin, bref, c'est pas grave, l'histoire du café, je m'en fous. Gérard, ce que tu dis, en fait, c'est que c'est de notre faute si ta meuf, elle va voir d'autres mecs. Toi, c'est pareil, quand on a commencé la réunion. Ouais. Le jeudi soir. Tu sais, t'as dit, elle est où, la grosse? Ah, non, c'est faux. Si. Ah, non. Ouais. Je veux te dire une chose, il y a des gens. On peut réécouter la pige, hein. Non, pas de problème. C'est tout, c'est simple, ça s'arrête là maintenant. Je veux plus qu'on en parle. Quoi. Je suis sûr. Hein. Je ne veux plus qu'on en parle maintenant. Ouais, mais moi j'aimerais bien quand même. Non, mais moi je veux plus en parler. C'est tout de son nom. Tu vas parler de ton ex alors. Ton ex avec Christine. Arrête comme elle est. C'est moi qui l'ai demandé avec Amégris. Donc arrête comme elle est, c'est tout. Terminé. Point final à la ligne. C'est moi qui l'ai demandé. Ah. Elle a dit oui. Et un peu comme je l'ai demandé. Là pour l'instant, elle est dans son lit et elle se repose. D'accord. C'est tout. Ouais, mais attends. Donc, pour revenir, Moi, je me souviens pas d'avoir dit grosse. Non, enfin, bref. L'histoire mais est. Elle voit d'autres mecs ou pas? L'histoire est close. Oui, peut-être, mais grosse, non, quoi. L'histoire est close, on n'en reparle plus. C'est tout, c'est terminé. D'accord. On revient donc, sur, on sur le truc de. Alors, le 20, mais bon, 30. Elle le 30, te 30 alors, écoutez. Ah, ça pour le 30. Faire. Non, non, mais ça, je te dis, on n'en parle plus. Donc, pour la réunion du 30, Fildar. Elle vient avec son mec ou pas pour le 30? Ah! Mais pourquoi c'était aussi à chier les débats que t'as fait là dernièrement là, c'était de la merde, mais tout le monde l'a dit de toute façon. Mais arrête toi. Bon, toi t'arrêtes tes conneries, d'accord? Parce que toi t'avais qu'à te réparer les micros bien avant les débats. C'est pas lors d'un débat que tu répares des micros, d'accord? Mais tes questions c'était de la merde. Eh ben c'était de la merde, pourquoi qu'il les a gardés? Dans ce cas-là, vous t'as qu'à t'en prendre sur lui aussi. T'as un mois pour préparer ton débat, c'est ça? Ah ouais. C'était un papier culte, ce que t'avais fait. Ouais, c'est ça, un papier culte, et ta connerie, c'est pas un papier culte. Tu savais même pas ce que ça voulait dire OVNI, tu vois, t'avais rien préparé. Et quand vous dites des conneries sur OVNI, il faudrait peut-être regarder dans un dictionnaire, parce que c'est ce que ça veut dire. Bah, vas-y, non identifié. Bah, pourquoi tu le savais pas pendant le débat? Alors ça, c'est ton job. Eh ben, j'attendais que les auditeurs, ils me demandaient ce que ça voulait dire. On t'a demandé, Gérard. Non, personne l'a demandé. Il y a sur l'internet qu'ils l'ont demandé. T'as pas répondu. Et encore sur l'internet, je crois que l'internet, on va éviter de le prendre lors des débats. Pourquoi t'as pas ramené Sandy comme pièce à conviction, quoi? Non. Putain, Sandy, à ton merde, d'accord, connard. Tu vois, t'es nul, hein. Ouais, c'est vrai, c'est dégueulasse. Par contre, est-ce qu'elle couche avec un autre mec que toi? Surtout, ça te regarde pas. Surtout qu'en plus, Olivier, si je me souviens bien, jeudi soir après le débat, t'es parti dans le 15e, toi. Ouais. Et tu m'as dit, ouais, c'est cool, je vais pouvoir fourrer. Et moi, je savais pas où qu'elle était partie avant. Bon. T'allais où dans le cas? Bon, enfin, de manière, Fildar, tu en feras l'aréa la boule. Semaine prochaine. Non, je suis pas là, moi j'ai bowling. Bah si. Alors, tu feras l'aréa le 30, et pas de bordel, parce que si le débat des routiers foire, ça sera terminé, ça sera la fin des débats. Donc, si vous voulez casser le débat. Ça sera la fin, alors. Ouais, ça sera une fin, comme ça, vous ne verrez plus. Comme ça, je serai tranquille. Ça, c'est cool. Disons, ça fera chier Max, mais. Ça sera de l'autre faute encore ce coup-là. Mais moi, je vous préviens que si ça foire, je casse à la cinquième question. Tu casses quoi? Parce qu'il te reste plus grand-chose. Après ta main, ta clavicule et ta hanche, il te reste quoi à casser? Ouais, ben... T'as tout en tête, là. Donc, moi, je préviens tout de suite que si je vois que ça commence à foirer dès les cinq premières questions, ben, je m'en vais. Alors, par contre, tu feras tête au téléphone parce que les micros, c'est pas sûr que j'ai le temps de les travailler, quoi. Eh ben... Donc, tu pourras rester chez toi, comme ça. Ouais, c'est ça. Tu crois que je vais faire un débat de chez moi, c'est ça. Toi, tu ferais mieux de t'occuper de ton cul que de t'occuper de ce que je vais faire le 30. Ça, c'est bien répondu. Mais j'ai pas vu, t'as un suite Jean-Claude Killy, là. C'est pas connerie, toi. C'est d'Albertville, ça, 92. D'Auberville. D'Auberville. C'est clair. Bon, Manu, je te préviens que je te le redirai pas pour les auditeurs. Oui. Non, mais sérieusement, parce que là, c'est un débat. Oui, c'est vrai, sérieusement. C'est un sujet délicat. Je te préviens que je reviendrai pas sur l'histoire des auditeurs, que si je vois que tu reprends les mêmes avec d'autres noms, donc ça n'ira pas. Attends, je dis, il va pas les mêmes. Pas de Monsieur Mazur. Je dis, bah si, il est un peu intéressant. Non, pas de Monsieur Mazur là-dedans. C'est quoi le prochain débat? Les routiers. Et la CB. Oh, mais c'est nul, ça, tu l'as déjà fait. On l'a déjà fait mille fois, mais ça pue, hein. Là. C'est un débat que je demande à refaire. Tu connais rien, en plus, sur les routiers. Bon, attends, je n'y connais rien. La dernière fois, il y avait un routier à l'antenne, il t'avait dit que tu connaissais rien. C'est vrai, toi, tu glisses. T'as raison. Et toi, tu t'y connais dans les voitures de course? Non, alors ferme ta gueule. Quand tu parles de glisser, Manu. Tu vois? Ouais, bon, allez, occupez-vous de vos oignons, c'est moi qui les commande sur mes débats. Non, mais on peut pas considérer que t'es un vrai routier. Bah non. Tu soulèves que des que des 1 tonne, toi. Alors que des vrais routiers, ils ont des 15 tonnes, des 30 tonnes. Mais toi, tu soulèves combien? Tu soulèves même pas 10 kilos. Développé jeté? Ouais, ta gueule. Ça vaudra mieux. Commence pas à me faire chier, tu veux, parce que tout à l'heure, tu vas m'en replier aussi. Moi, j'ai eu des vrais routiers, hein, des mecs qui ont fait de la route depuis 40 ans, là, qui ont des gros 38 tonnes. Ben, c'est dit, pas des 38, c'est des 40 maintenant. Alors déjà, c'est pas grave. Attends, ils ont le droit de grossir. Mais ça toi, pas 40 tonnes, c'est pas ça, 40 tonnes. Alors attends, n'importe quoi. Ta gueule, tu connais rien, toi, à part ta poubelle de merde qui fonctionne une fois sur deux. Ils m'ont dit, Gérard, c'est pas un vrai routier, hein, ça se voit. C'est un bidon. Bon, allez, occupez-vous de votre cul, vous occupez pas de mes problèmes. Des bidons. Voilà, non, mais c'est vrai. Ils m'ont dit, c'est un mini routier. Tu te de ton standard, il me fait pas chier. De manière, je te préviens que si ça foire le 30, ça sera de votre faute à tous les deux. Tu peux peut-être parler des kangous, non? Tu fais un débat sur les kangous? Ouais. Ça sera déjà bien. C'est plus ton truc, quoi. Bon, je t'emmerde, moi. Ok. D'accord. Donc, en fait. Moi, je te préviens que c'est tout, j'ai ce que j'ai à dire. Maintenant, si Max a quelque chose à rajouter. Moi, j'ai pour un truc, le 30. J'ai un truc à te demander, c'est, t'es sûr qu'elle baisse pas avec d'autres, ta meuf? Ta gueule. Ah. Qu'est-ce que je rajoute? Moi, je sais pas, moi, c'est ta réunion, c'est toi qui voulais venir ce soir. Non, mais tu sais, Max, La prochaine fois que Gérard fait une réunion comme ça, moi je me casse. Moi, moi aussi je viens pas, c'est pas ça la peine. Ça fait 50 fois. Vous deux qui foutez le bordel. Ça fait 50 fois qu'on fait des réus, on n'avance toujours pas. Hein. Ah ouais. C'est vous qui faites le bordel dans les débats. Alors. Moi j'ai écouté le débat de jeudi dernier, c'est vrai qu'il y a des moments où je ne comprends pas. Gérard vous demande, de, parce que c'est quand même son émission, c'est les débats de Gérard, et vous ne suivez pas ses instructions, quoi. Genre, lui il sait où il met, il sait ce qu'il veut, c'est une stratégie, il sait où il va, il sait où il met les pieds. Quand il veut jeter un auditeur, c'est parce qu'il a des raisons, parce qu'il le sait très bien. Professionnellement, maintenant Gérard est autant compétent que moi ou que vous. Donc quand il vous dit de faire quelque chose, faites-le, parce que là on va au désespoir. Je veux dire, on touchait 15 millions d'auditeurs avant, on en a plus qu'on est fini à 3 millions et demi d'auditeurs à 2 heures du matin, et c'est pas normal. C'est pas normal. Il y en a plein qui étaient en vacances. Hein. Non mais même justement, mais bon, quand tu n'as rien à voir, vous mélangez tout, Gérard, tu peux leur dire. Non, non, ça va pas mélanger les vacances avec les débats du jeudi, ça n'a rien à voir. Il y a les jingles qui font les auditeurs, hein, les jingles. Ouais, mais de venir ces jingles pourris des débats d'il y a 3 ans. Justement, moi je t'en ferai pas des nouveaux, ça sert à rien. Bah je m'en fous. De toute manière, on garde les anciens, puis c'est tout. Moi, je pense que quand tu veux en fait qu'on t'obéisse, il faudrait que tu gueules un peu plus fort, parce que moi, j'entendais rien. Moi, t'entends rien, de toute manière, t'entends jamais rien, mais non, quand Max dit quelque chose, t'entends. Non, tu gueules jamais. Non, mais quand Max dit quelque chose, t'entends. T'as dit quoi ? T'entends très bien ce que Max dit. Vas-y, tais-toi. Mais quand c'est moi, t'entends rien. Tais-toi. T'as dit quoi, Max ? Non, rien. Ah bon ? Ok, c'est cool. Je veux dire, ce soir, t'as fait quand même des conneries, hein, parce que j'ai entendu, et Max, il t'a engueulé, et t'as récupéré derrière. Hein, c'est vrai, mais sinon, je dis, avec moi, tu le fais pas. Est-ce que tu penses qu'elle se fait fourrer par plusieurs mecs? Moi, je t'emmerde, et Sandia t'emmerde aussi. Ah bon, d'accord. D'accord, alors tu lui fous la paix. Non, je me demandais, c'est tout. Ton bébé rose, c'est tout. Je m'interrogeais si elle se prenait des doubles pédés dans le cul. Tu t'occupes de la tienne, et tu fais pas chier avec la mienne. Ok. C'est tout. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Des pouces, non ? À sec ? Non, mais c'est pas le terme de... Non, mais moi, je m'interroge. Elle se barre dans le 15e, elle revient à 7h du matin, elle s'est fait mettre des pouces. Non, mais ça, c'est pas ton problème, Manu. Elle est posée. Ça te regarde pas. Tant qu'ils mettent des gants... Ouais, mais bon, c'est pour eux, hein, que tu dis ça. Ça me regarde pas, ce qu'elle fait, donc c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Mais pourquoi t'es pas allé la chercher ? Ouais. Attends, mais ça va, toi, ouais ? Ah, il a qu'une jambe. Mais ça vous regarde pas ce que je fais, alors foutez-moi la paix, occupez-vous de votre cul et c'est tout, ça vaudra mieux. Non, mais c'est il avait des trucs à faire, il avait encore des affaires à terminer. C'est vrai, il est dans le business. C'est un couple libre. Mmh. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Le jour où tu vas voir quelqu'un de sérieux, toi, les poules, elles sont des dents. Ouais, c'est vrai. Bon, pour terminer sur ce débat là, parce que là, j'aimerais aller me coucher, c'est une réunion. Ouais, réunion, pardon, t'as raison. De merde. Donc jeudi, le dernier jeudi du mois, donc Routier et Sibi, faut faire attention. Non mais il va y avoir des... Non, mais... Oh là là là là, c'est là, de la merde ça, Routier et Sibi quoi. Bon alors dans ce cas, tu fais une chose, c'est d'oublier comme t'as une grande gueule. Eh ben tu feras les débats, d'accord ? Si tu veux faire les débats, t'es même pas capable. Bah attends, je suis t'es un bon à rien. Tu te branles les couilles toute une journée dans un bureau. Je suis capable comme toi. T'es même pas capable de faire quelque chose de potable. Tu fous de la merde. Bah attends, je fais quelque chose de potable. Tu fous de la merde. Tu fais que de la merde. Mais c'est nul, Routier. Alors tu te branles les couilles, les couilles jusqu'à 2h du matin dans ton studio de merde, là. Ça, c'est bien. Et là, t'es en train de taper sur l'internet, quoi. T'en sais même pas, tu sais ce que tu tapais? Non, même pas. Demain, il a besoin de trucs, là, pour les frères Bogdanov. T'aurais pu l'aider, mais tu l'as même pas aidé. T'es en train de te branler les couilles à regarder je sais pas quoi sur l'internet. Encore des lunes. Alors ça va. Hein. Bravo. Ouais, oh. Hein. Demain soir, il y a les frères Bogdanov, il a même pas de truc. Tu peux peut-être amener des sons, toi, non ? Ça va, ouais, moi je garde pas. T'as des sons de lune ou de... Tu pourrais peut-être enregistrer des trucs. T'as raison, toi. T'as des monstres de l'espace. D'émission de demain. T'as pas des monstres de l'espace autour de toi ? Non, mais c'est nul. Mais toi, t'en as bien, t'as ton espèce de clébard de merde, là. Oh là là là. T'as ton clébard. Chacun le sien, hein. Ouais, bah moi, je sais pas. Il est moins con que toi en plus. Bon, pour revenir sur le débat, après on arrête là, on rend l'antenne, le mission là, qu'on s'en aille. Qu'est-ce que tu fais quoi ? Tu abordes quoi comme sujet ? Enfin, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux pas ? Est-ce que tu veux qu'on parle des 35 heures ? On aborde le chômage, tous les problèmes. On va parler que les routiers, c'est des fumistes. C'est clair qu'on va aborder le sujet que c'est des fumistes, des fumiers, c'est des gens qui ne font rien, qui bossent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais on le fait, mais ce qu'il y a, c'est que le débat va être délicat parce qu'on va, on va attaquer les 35 ans, on va attaquer les histoires de grève et tout ça. Moi, j'attaque ça, on va le faire. Pas de procès. Ça, on le fait, de toute manière, on le maintient. T'es prêt à assumer ça? Ouais, mais ça, on le maintient. T'as des choses à dire là-dessus? Il y comprend rien. Mais oui, j'y comprends rien, je comprends mieux que toi parce que je suis les informations. Moi, je voulais te demander, Gérard, sur les 35 heures. Au niveau de ta journée de RTT, ça, tu la prends quand? Je voulais savoir. T'en as le droit à combien, toi? C'est des journées VTT, ça. T'as une heure, Moi, t'as pas un VTT pour te ramener, toi, non? Ok. C'est quoi alors les 35 comme... Non, mais de toute manière, les 35 heures, c'est sûr que pour eux, c'est pas évident. Et de toute manière, ils ont pas obtenu ce qu'ils ont voulu. Hein. Mais toi, tu fais 2 heures par mois, donc forcément. Mais ta gueule à toi. Les routiers vont dormir 35 heures, c'est ça? Non. Oh, arrête tes conneries, toi, tu connais rien. Alors. Mais ça va être n'importe quoi ce débat. Mais oui, c'est ça. Bien sûr, si tu fous déjà ta merde avant. Ouais. Mais sinon, au niveau de ta femme, elle découche ou? Ta gueule. Ah bon. Occupe-toi de la tienne et c'est tout. Ok. Voilà, c'est tout. Tiens, justement. Ça te regarde pas, de toute manière, tu seras même pas invité. Alors. Déjà, tu peux attends, être moi, sûr je voulais manger du poulet et des chips, comme t'avais dit la dernière fois. Ah, ouais, des merguez Olida aussi. Attends. Il y avait. Ouais, c'est vrai qu'il m'avait dit. Ah, mais c'est con parce qu'Olivier voulait te faire des jingles pour le mariage. Non, non, il fait rien du tout, c'est tout. Pour les grands. De toute manière, c'est pas. On voulait venir te lancer la taille. Il y en a certains qui seront pas invités de la radio. Oui, on peut déjà parce qu'on voulait venir avec Henri, nous. Non, non, il y a un nouveau break. T'arrêtes un peu avec Henri, d'accord, tu veux? Ouais. T'arrêtes de me casser les couilles avec ça, d'accord? Ça commence à bien faire maintenant. Vous le laissez appeler dans le bureau s'il veut, mais moi j'en ai rien à foutre. On peut l'appeler. Alors, si maintenant, veux, vous le laissez. Vous foutez la paix avec lui. On peut l'appeler pour le débat là. Attends, non. On l'appelle. T'appelles personne. Si, on va l'appeler. Tu appelles personne. Ah si. Ah ouais, appelle Henri, on va voir. Toi qui te souhaites une bonne année au moins. C'est pour savoir le paquet. Tu appelles personne. Oh, t'es têtu? Hein? Bah attends, je recherche le numéro. Appelle-le pour la bonne année. Mais non, je viens de te dire non. Fais gaffe, il a raison, c'est Henri. C'est un fouteur de merde. Qu'est-ce que je viens de te dire là? Ouais, de pas l'appeler, mais je cherche pour l'appeler quand même. Bah, tu cherches pas pour l'appeler parce que t'es mort, je vais t'en coller une aussi, toi. Bon, hey, je sais. Bon, Jean-Claude Killy, on peut l'appeler. Vas-y, touchous. Non, mais Henri, il a déconné, quoi. Il tourne autour de la femme de Gérard, c'est pas normal. Bah, y a pas que lui, hein. Ah, bah, qui sait qu'il y a d'autres tour, hein. Bah, je sais pas, elle découche, elle va dans le 15e, elle rentre à 7h. Mais ça, c'est pas ton problème. Toi, tu sais pas ce qu'a fait la tienne quand pour moi, y a pas qu'Henri, hein. Si, je sais pas ce qu'a fait. J'ai entendu parler d'un bison ardent du 15e. C'est ça, qui tournait autour de... T'as pas entendu parler d'une connerie qui venait de chez toi, non? Ah, non. Qui venait de Troyes, qui était pourrie. En voiture, juste. Qui était à moitié taré. Ouais, non, j'ai pas, non. Bon, enfin, bref, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, donc maintenant, je redirai pas ce que j'ai dit. C'est enregistré, c'est le 30. Ça vérifie pas. Si c'est enregistré. Ça sera de votre faute. D'accord. Ça sera de votre faute, c'est tout. Voilà. Là, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va rendre l'antenne. C'est vrai que c'était bidon. C'était nul, hein. C'est bon, c'est pas la peine de venir. Toi, va te faire foutre. Ça lui ouvre la main. Hein. Non, il va se faire foutre. Il peut pas, il a que des poupées. Il a la poupée, mais il a plus de la loi. Dégage. Tu t'es cassé. Il s'est cassé le pied. Dégage. Non, c'est la bonne jambe. C'est la bonne jambe. Bon, bah, t'as fini, terminé, c'est bon. Ouais, parce qu'en plus, t'as pris les places pour le Queen, là, on y va ou pas, Jean-Claude? Jean-Claude, c'est ça qui est habillé comme ça, on rentre, hein, qui fait fureur, hein. Bon, bah, écoute, on espère que tout a été bien noté, et puis voilà, de toute façon, ça a été enregistré, et s'il y a un problème, j'en sortirai ça en direct, pour prouver aux auditeurs, s'il faut, pour la réunion, je vous le dis quand même, que suite à tout ce qui a été dit, je pense que maintenant, c'est beaucoup plus clair dans vos têtes. Ah bah, ouais, en fait, je m'en branle, hein. C'est limpide. Moi aussi, je m'en branle, mais. On verra. Jeudi d'après, faut que ça soit impeccable. J'avais une dernière question, quand même. Est-ce que tu penses que t'es cocu? Je répondrai pas, d'accord. Alors, je sais pas, elle va dans le 15e, elle découche. Elle rentre à 7h, moi. Allez. Allez. On se dit au revoir et puis on va ranger maintenant. Et on reste pote, merde. Allez, un peu de son, un peu de musique, quoi. Allez, on va mettre un peu de son.